Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 225, spécial bilan 2024 et sortie 2025. Voilà, désormais, c'est une tradition chaque année. Nous allons parler au cours de cette émission de nos coups de cœur ciné de l'année écoulée, ainsi que nos déceptions, mais aussi certains des films qui vont faire l'actualité de 2025 et que nous attendons. Ou pas. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein, vu le nombre de sorties prévues pour 2025 et comme chaque année, et du changement de date dû aux distributeurs, hein, parce que aussi ils sont très forts. On sait que derrière, il y a quand même le côté business. Et pour cette émission, petite nouveauté, je serai accompagné de Vincent, Lilian et Marlène pour partager avec nous ces instants autour du cinéma, notre passion commune. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Alain. Bonjour. Salut les garçons. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle le top des invités, hein, les trois films que l'on attendait ou qui nous ont surpris plutôt en bien. Qui veut commencer la fête ? Allez, je commence. Vas-y Lilian. Alors moi, mes tops de cette année, ça va être le moins surprenant. J'ai mis donc Le Comte de Monte Cristo. Donc je pense que j'étais sûr qu'il allait dire ça, ouais. Moi, Lilian. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bien réalisé, avec Pierre Niney qui joue très bien dedans. Ensuite, j'ai mis donc The Substance, que en plus j'ai vu il y a pas longtemps et que beaucoup de gens m'en avaient parlé. Qui est pareil, est très bien réalisé, qui est très très beau et où le scénario est pas mal, avec des scènes assez intéressantes. Et ensuite, j'ai mis donc Dune, le deuxième volet, que j'ai trouvé vraiment magnifique, avec des décors super, et puis un jeu d'acteur vraiment bon de la part de Timothée Chalamet. Donc voilà. Voilà ton top 3. Vincent ? Alors, avant de commencer ce top, je tiens à préciser évidemment qu'il va peut-être y avoir des petits spoils au cours de cette émission, et outre ça, on enregistre cette émission le 6 décembre, donc les listes sont possiblement susceptibles de changer, puisque les grosses sorties de la deuxième partie du mois de décembre, des fêtes de Noël, ne sont pas encore sorties, donc elle est, en plus d'être subjective, elle est incomplète cette liste, bien évidemment. Donc pour commencer, je vais tricher complètement pour mon premier coup de cœur. Comment il a trop préparé ? Oui, j'ai préparé. Vous le sentez, non ? J'ai une liste préparée. C'est parce que c'est un film qui est sorti le 7 décembre 2023 pour seulement 2 jours, et j'en profite parce qu'il est ressorti le 17 janvier 2024. C'est Godzilla Minus One, donc film japonais du réalisateur Takashi Miyazaki. Donc c'est basiquement son premier long métrage à être internationalement reconnu. Parce que le seul autre qu'on peut connaître, il est sur une plateforme de streaming commençant par un grand N qui s'appelle Dragon Quest Your Story. Et franchement, on retrouve vraiment les bases du Godzilla, contrairement au Godzilla américain. Les premiers de Honda. C'est ça, parce que dans la version américaine, il est considéré un peu comme le protecteur de la Terre, le héros. Alors que justement, dans la version japonaise, Godzilla, c'est la colère, la peur du nucléaire, etc. C'est absolument pas un protagoniste, bien au contraire. Et franchement, c'était une excellente surprise, et ça s'est senti parce qu'on a quand même un film qui a fait 116 millions de dollars au box-office et qui a remporté l'Oscar, un des meilleurs effets spéciaux, cette année. Donc franchement, c'est plutôt pas mal pour ce long métrage-là. Ensuite, second coup de cœur, Lilian l'a évoqué, c'est The Substance. Bon, ce Substance qui est sorti le 6 novembre 2024 avec Alain, qu'on a pu voir 15 jours en avance, au studio. Tour. Au Mauvais Tour. Oui, ouais, au Festival Mauvais Tour, et en plus... Il a gagné le Grand Prix. Donc c'est un film franco-américano-britannique de Coralie Fraja. Bon, c'est le deuxième long métrage après Revanche, qui est sorti en 2017, je crois. Et effectivement, ça raconte l'histoire d'une star de cinéma sur le déclin à qui on propose de s'injecter la substance pour obtenir une meilleure version d'elle-même. Et donc c'est un film qui a remporté quand même 56 millions de dollars au box-office et le prix du scénario de Cannes en 2024. Bon, il a remporté évidemment d'autres récompenses, mais on peut quand même souligner ça. Et, pas scoop, mais presque, il est en course sûrement pour les Oscars. Bon, on lui souhaite que du meilleur. Parce qu'elle était justement, j'ai vu une émission récemment, elle était en pleine promotion, parce que bon, c'est un peu comme les élections aux États-Unis, hein, c'est un show. Et elle est en ce moment, elle est en train de faire un petit peu à l'ambassade de France. Ils ont fait une grande cérémonie en invitant tous les pontifes d'Hollywood. Et visiblement, au niveau de la presse internationale, elle est considérée comme une peut-être des favorites des Oscars, donc pourquoi pas. Pour une fois, un film de genre qui serait primé et non des traditionnelles comédies ou autres, ça serait bien pour le cinéma français et pour le cinéma de genre, entre autres. Et puis bah, nous, on aura eu la chance, en avant-première, de le voir bien avant tout le monde. Et puis ton troisième choix ? Et puis mon troisième choix, un peu plus détente, c'est Deadpool et Wolverine, qui est sorti donc le 24 juillet 2024, film de Shawn Levy, qui est un réalisateur reconnu au niveau de la comédie, parce que c'est lui notamment qui a réalisé la saga Les Nuits au Musée et le dernier Panthère Rose, celui avec Steve Martin. Et franchement, en termes de détente, on est bien. Franchement, ça change un peu des premiers qui étaient plus... Comment dirais-je ? On trouve la patte de Shawn Levy, quoi. Bah, complètement. Donc, au niveau de l'histoire, j'avoue que... Alors, je fais de mémoire, c'est l'histoire de Deadpool qui va dans un univers alternatif pour retrouver Wolverine. Il y a d'autres histoires parallèles, mais c'est basiquement le speech. Et franchement, de retrouver certains acteurs avec cet humour très gras, très noir, franchement, ça m'a bien plu. Au box-office, il a fait quand même un sacré bon résultat, puisqu'il a remporté quand même 1,288 milliard de dollars. On va te mettre à la banque, toi. Et en plus, c'était un film très très attendu parce que c'était le seul Marvel de l'année 2024 à sortir. Enfin. Mais résultat, ça paye parce que quand c'est le seul de l'année, il est bien accueilli. Voilà, quand on nous gaffe pas et que de temps en temps on sort un film, bah, on le voit avec plaisir. C'est valable pour les Marvel comme tous les autres films ou tout genre de films. Hein, où on va nous gaver, au bout d'un moment, bah, c'est l'overdose, et les gens vont plus au ciné, ou alors il y a que les addicts qui débranchent le cerveau et tout ce qui va avec, parce que, bah voilà, c'est comme un bon plat, on apprécie quand on en voit une fois de temps en temps. Si on nous sert du McDonald's tout le temps, bah, c'est pas de la gastronomie. Marlène, je crois que tu vas nous trouver ton petit top, la voix féminine du groupe. Oui! Et oui, c'est si ça peut vous apporter au moins une voix féminine, parce qu'en termes de connaissances cinématographiques, on va être un peu loin du... Voilà. Moi, j'ai très peu l'occasion d'aller au cinéma. La seule fois où je suis allée au cinéma cette année, c'était pour voir Wish avec mes enfants, qui fera partie des top flops, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'était franchement pas... On a eu quand même beaucoup de films d'animation bien meilleurs que Wish. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, du coup, Alain il m'a autorisé à parler de films que j'ai pu voir même en dehors d'une salle de cinéma, heureusement. J'ai beaucoup aimé Le Cercle des Neiges. Tu peux le pitcher un sur, peu pour les... Oui, bien sûr. Alors en fait, 1972, une équipe de rugby du Chili qui part du coup en Uruguay. L'avion se crache sur la cordillère des Andes et donc ils étaient au départ 45 passagers. Il en restera à la fin qu'une petite poignée. Qui vont du coup se démener pendant, je crois, 40 jours, quelque chose comme ça, pour survivre dans la montagne. Alors, il y avait déjà eu des films... Alors, c'est une histoire vraie. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Absolument. C'est une histoire vraie. A priori, les survivants ont pu... Alors, d'ailleurs, le premier film s'appelait Les Survivants, qui a été fait sur cette histoire dans les années 90, je crois, qui était déjà une belle œuvre. Que dire que les survivants, justement, actuellement, il en reste encore quelques-uns ont trouvé que cette adaptation de Juan Antonio Bayona était hyper fidèle à ce qu'ils ont effectivement vécu. Donc voilà, c'était un peu un coup de cœur. Voilà, une histoire tragique, mais en même temps qui est très, très forte, humainement très forte. Mais pas très gastronomique. Oh, Alain Alors, bah, du coup, dis pourquoi. Hein. Eh bien, si vous aimez le poulet, vous apprendrez que ça se rapproche d'une certaine viande. C'est tout. J'en dirai pas plus. Après, dans les autres films que j'ai trouvé sympa à regarder, que j'ai trouvé en tout cas, moi j'aime bien les films qui me tiennent en haleine, où il y a un certain suspense. Alors comment il s'appelle celui avec Julia Roberts et Ethan Hawke dont on parlait hier, Vincent ? Le Monde Après Nous. Le Monde Après Nous. Eh ben, j'ai trouvé qu'il était bien fait, ce film. Donc c'est basé sur le roman de Rouman Alam. Un film qui montre que le pays est victime. Alors, le pays, on parle des États-Unis, évidemment. Victime d'une cyberattaque d'une ampleur colossale, avec toutes les communications qui sont coupées. Plus d'Internet, plus de téléphone. Panique totale, évidemment. Et en fait, le film raconte l'histoire de deux familles réunies par ces circonstances assez atypiques. Et moi, voilà, je passais une heure et demie devant ma télé, un peu aspirée par le truc. Puis en fait, ça laisse imaginer tout plein de choses qui pourraient éventuellement se réaliser. Vous l'avez vu, non ? Oui. Moi, je l'ai pas vu. Non. Et alors, Vincent, tu... Bah franchement, très bonne surprise, notamment effectivement avec le plot twist de fin sur la raison de ce qui se passe effectivement dans ce film-là, dont on ne va pas détailler parce que c'est littéralement l'intrigue de fin. Mm. Mais franchement, vraiment beaucoup de suspense et on se demande vraiment ce qui va se passer. Donc, ouais. À découvrir. À découvrir, ouais, carrément. Et si je devais en placer un troisième, alors je ne l'ai pas vu, mais je fais confiance au retour, parce que bon, voilà, mon côté maman, hein, forcément, donc j'apporte aussi ce petit côté-là. Le Vice Versa 2, qui a vachement plu aux enfants. En tout cas, les miens étaient hyper contents d'aller le voir. Apparemment, voilà, on retrouve évidemment Riley avec de nouvelles émotions, puisqu'elle est ado et qu'elle vit d'autres épisodes de sa vie. Et voilà, moment chouette. Non, bah c'est bien aussi de nous parler des films pour enfants, on en parle de temps en temps, ou des films d'animation. Cinéphage, c'est fait pour ça aussi, hein, on parle de tout le spectre du cinéma. Eh bien, à mon tour d'y passer, eh bien, moi j'ai mis Horizon, une American Saga, chapitre 1 de Kevin Costner. Je l'attendais, j'ai pas été déçu. Je retrouve du bon Kevin Costner, c'est-à-dire que lui, il est toujours dans la saga américaine, mais en montrant un petit peu les côtés un petit peu néfastes de la colonisation américaine. Et puis, bon, bah, étant descendant de Cherokee, les Indiens, c'est pas les méchants forcément, quoi. Donc, c'est pas mal non plus d'avoir un avis un peu plus objectif. Quand on sait comment sont créés les États-Unis, hein, c'est un monde de parias. Hein, c'est tous les gens qui ont été envoyés, que ce soit des prisonniers, des hors-la-loi, des gens qui étaient miséreux chez eux. Hein, prend l'immigration chinoise, l'immigration irlandaise, des gens envoyés malgré eux. Hein, je pense à l'esclavage. Voilà. En fait, on voit bien que bah, les États-Unis, c'est pas né dans les roses. Hein, et puis, bah, quand on voit ce que ça donne maintenant, c'est loin d'être de la rose non plus. Mais donc, bon film et un bon retour de Kevin Costner sur un film. Bon, comme d'habitude, contrairement à Vincent, je parle pas des chiffres parce que pour moi, le pognon, j'en ai rien à foutre, je le dis carrément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une histoire, les histoires de gros sous. Quand on voit qu'on agit tout sur les millionnaires et compagnie, quand on voit le boulot qu'ils font, c'est pas les entrées, ça va être les spectateurs, vraiment les gens qui vont voir les films et qui vont en parler. Que dire, j'ai été voir le film parce qu'il fallait le voir ou parce que ça rapportait tant. Voilà, je suis plutôt du côté artistique que du côté financier. Mais du coup, est-ce que tu iras voir la deuxième partie de ce film-là qui est prévue pour dans pas très longtemps en plus ? Eh bien, j'irai voir toute la saga parce que quand je critique, moi je vois tout jusqu'au bout. J'encense ou j'écrase, mais en connaissance de cause. Et pareil, c'est que mon avis, c'est pas celui de tout le monde. Donc, c'est la pluralité de trucs. Après, il y a eu Gladiator 2. Alors, Gladiator 2, je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas enchanté. Voilà. Donc, je le mets dans mon top. Mais en même temps, pourquoi faire un 2 ? Ben, je veux dire, quand on a des films si beaux, si emblématiques, magnifiquement interprétés, d'aller en mettre un deuxième, c'est comme en ce moment, rien à voir, mais on nous pond un nouveau Dexter, hein, la série de Dexter. Pourquoi aller toucher à un truc qui était si parfait ? Ben alors, le problème, c'est, à la rigueur, moi, ça me gêne pas quand les séries, comme les films, là, bon, ben ça oui, fait des années. Là, on peut faire un remake ou faire une suite. Bon. Là, à part les quelques effets spéciaux, bon, je vais spoiler, mais si vous avez vu des babouins qui ressemblent à des aliens, alors ça, l'image numérique, là, on voit aussi que ça peut être très mal utilisé. Des requins dans une arène, alors là, il faudra m'expliquer comment dans l'eau douce des requins survivent. Voilà. Voilà. Après, effectivement, ça apparaît dans la bande-annonce. Il y avait effectivement des batailles navales dans le Colisée, mais pas de requins. Mais non, et il y a eu deux batailles navales organisées, hein, historiquement. Et oui, il y avait des crocodiles, parce que des crocodiles, ça peut aller dans l'eau. Mais des requins, hein, dont je sais que c'est à la mode en ce moment de mettre les requins dans la Seine et compagnie. Bon, alors là, Ridley Scott nous avait déjà éblouis par sa nullité dans l'histoire. Avec Napoléon, j'en remets une petite couche. Ah, tu l'as pas aimé celui-là. Hein. Bah, surtout que je suis en train de regarder celui d'Abel Gance et bah voilà. Ah bah oui. Ça fait mal aux fesses, comme dirait l'autre. Et puis donc, mais bon, sinon l'histoire, moi, ça se tient à peu près. Voilà, ça fait un happy end. J'ai des amis qui sont venus avec moi, qui l'ont vu, qui n'avaient pas vu le premier. Bon, voilà, ça passe. Mais c'est pas le chef-d'œuvre qui était le premier. Ensuite, eh bien, pour terminer, j'ai mis Le Comte de Monte Cristo, comme Lilian. J'y allais en disant, bon, moi, j'aime bien tout ce qui est film historique ou Alexandre Dumas ou Jules Verne et compagnie. Et là, j'ai pas été déçu. J'ai même été agréablement surpris après avoir vu toutes les versions. Il y a un très bon casting. Niney est bien. Laurent Lafitte, il est incroyable. Voilà, un côté sombre qui va bien justement avec l'univers de Dumas, et on voit une vengeance. Là, on voit vraiment un héros. La vengeance, là, c'est pas, ça se mange froid, même très froid. Et puis, les décors, enfin, tout a été bien fait. D'ailleurs, je ne comprends pas que c'est pas ce film-là qui va représenter, ou Substance, ok, mais pour représenter la France, pour moi, c'est un succès critique et du public. Donc pour moi, c'est le film qui aurait dû aller cette année aux Oscars pour représenter la France. Mais bon, comme on sait que c'est Magouille et compagnie, et puis faut caresser les gens, surtout l'intelligentsia dans le sens du poil. Donc après c'est un choix politique, et moi je préfère un choix public qu'un choix politique. Ça, c'est que mon avis. Voilà, donc c'était mes trois tops. Bon, après, il y a des films que j'ai plus ou moins aimés, mais bon, vraiment, c'est ceux-là qui... Personne n'a parlé du petit truc en plus d'Artus. Est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Non ? Je l'ai vu, pour moi, c'est comme les ch'tis. C'est Ah ouais ? C'est rigolo. C'est populaire, quoi. C'est pas le côté populaire, mais pareil, c'est politiquement correct. Faut parler du handicap, faut parler du wokisme. Voilà. Bon, c'est bien. Il y a des gens qui ont adoré. Hein, moi, j'ai bien aimé. Autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit mais va le voir, c'est génial. C'est rigolo, on rit bien, on passe un bon moment. Mais moi, je me le relèverai. C'est un bon film, Mais pas. On passe un bon moment comme la première fois qu'on voit les ch'tis, Mais de là à en faire tout un plat. Moi, ça, c'est assez français, on aime bien. À la rigueur, je préférerais revoir le film, j'ai oublié le nom, avec Reda Kateb et Vincent Cassel, justement, sur les personnes en autisme, tiré d'une histoire vraie. J'ai mangé le nom. Oui, ça fait aussi comme les films avec Grand Corps Malade ou choses comme ça. Bon, mais là un petit peu, c'est sympa. Mais derrière, tout le show, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des films qui sont bons, comme ce film est bon, je dis pas qu'il est mauvais, mais de là en faire un chef-d'œuvre comme Les Ch'tis, qui pareil, c'est des films, on les a vus une fois, c'est rigolo, c'est populaire, c'est bien, il faut rire de temps en temps, mais là, à crier au chef-d'œuvre, Ouais, mais ça fait un battage médiatique comme l'amour ouf cette année, personne ne l'a évoqué non plus. Tu l'as vu, Lilian, toi, J'ai vu un petit truc en plus, je suis assez d'accord avec Alain, dans le sens où c'est un bon film, on passe un très bon moment devant. Après, pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que Les Ch'tis ou Les Tuches, par exemple, pour comparer à d'autres comédies. Mais avec le message qu'il véhicule, j'ai compris pourquoi il y avait eu cet engouement-là et tout. Mais oui, c'est un film sympa à regarder, voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est pas... Il y a vraiment des bouses, on peut le dire, où on va s'emmerder, c'est pas drôle du tout. Là, le film fait rigoler, ça parle du handicap, en effet, mais de là à... De toute façon, c'est à la mode actuellement, dès qu'il y a un thème qu'il faut qu'il soit à la mode, Et comme tu dis, il y a le battage médiatique derrière qui fait que... On en parlerait peut-être un peu moins. Artus s'est bien battu pour la cause, ça c'est très bien. Par contre, ce qu'il fait en dehors, c'est très bien. Mais de là, ce que je dis. Moi, je le mettrais un peu comme La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, on rigole bien. C'est marrant, c'est bien fait. Mais c'était à l'époque, c'était drôle. Mais on nous le resserre tous les ans, comme on nous resserre les ch'tis. Dès qu'on a un petit peu, on va rigoler un petit peu. On en a de la comédie comme ça. Les Français, c'est un peu notre spécialité, malheureusement. Mais pour moi, c'est un bon film, mais point barre. OK. Eh bien, maintenant, on va aller dans les profondeurs de l'océan. Non, on va faire le flop pour nous. Je répète toujours, c'est juste des avis. Après, vous faites vous-même vos avis. Le top flop de nos invités. Et on va commencer par Vincent, maintenant. Alors, j'ai moins de flops, mais le premier, c'est Lilian l'a évoqué dans ses tops. Pour moi, mon premier flop, ça va être Dune 2. Eh oui. Alors, comme quoi, vous voyez, on n'est pas consensuel. Ici, on discute. Ouais, alors, c'est un film qui est sorti le 28 février, film américano-canadien de Denis Villeneuve, évidemment qu'on ne présente plus, qui a réalisé Blade Runner 2049, The Prisoner, etc., etc., etc. Et donc, dans cette deuxième partie, on continue à suivre l'histoire de Paulette Reed, donc duc d'Arrakis, qui rencontre et qui passe du temps avec les Fremen. Et donc, histoire, j'ai absolument pas noté le résumé, donc c'est très concis. Les Fremen qui sont les habitants d'Arrakis, quoi. Le peuple nomade d'Arrakis. Le peuple du désert. Et donc, visuellement, il est très beau. Ça, y a rien à reprocher en termes d'effets spéciaux, il est incroyable. Mais ça s'arrête là. Bon, après, il y a aussi mon jugement personnel qui rentre vis-à-vis de la religion. Moi, c'est un sujet qui me révulse, peu importe laquelle. Donc, voir ça, je ne sais pas jusqu'où on peut spoiler, il est sorti le 28 février, qui parle autant, basiquement, d'un djihad autorisé en mode c'est l'héros. Je sais que dans le roman de Frank Herbert, justement, c'est extrêmement critiqué. Mais là, autant les magnifier, ces personnes-là, nier. Hans Zimmer, il me saoule. Et ensuite, en termes de alors, Hans Zimmer, c'est pour la musique. Hein. Ouais, pour la musique. Précise pour les auditeurs. Pour la musique, Hans Zimmer, il me saoule. Et ensuite, en ce qui concerne vraiment l'action, les acteurs, etc., Denis Villeneuve ne sait pas faire de scènes d'action. C'est pas des scènes d'action. Désolé. Hein. Et Timothée Chalamet, contrairement à toi, je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il ne sait pas jouer. Donc voilà un petit peu ce que j'en ai pensé. Par contre, effectivement, j'ai quand même passé un bon moment dans une bonne scène de cinéma et il était quand même prenant, mais après coup... Ouais, voilà, t'es un peu déçu, c'est ce qu'on dit. Ouais, hein, le flop, ça peut être une déception. Voilà, flop, c'est déception. Oui, oui, je comprends. Bah, comme moi, par exemple, le Mad Max que j'attendais, voilà, c'est... Le 4 était terrible et puis on est descendu d'un cran pour moi avec le dernier Mad Max. Voilà. Et donc, mon deuxième flop déception, ça va être un film qui est sorti sur une plateforme de streaming avec un grand N. C'est le dernier de la saga, Le Flic de Beverly Hills, Axel F., qui est sorti donc le 3 juillet dernier. Et c'est le premier film américain de Marc Mollois. Et bah évidemment, on va continuer à suivre les aventures de Axel Foley, qui va rencontrer sa fille à Beverly Hills. Et il y a toute une histoire de... trafic de drogue, tout ça, corruption, tout ça, et on sent qu'il tire sur la corde et que quand même Eddie Murphy et ses acolytes, ils commencent à être vieux. Et d'ailleurs, paix à justement celui qui joue Taggart, qui nous a quittés cette année-là, dont ça a été le dernier long métrage. Et franchement, ce film-là, malheureusement, déception. Poussif. Poussif. Dire. Alors que pourtant, le premier, film de Beverly Hills, Même les premiers sont excellents. Bon. Mais celui-là, c'est peut-être la suite de trop, effectivement. Et ensuite ? Eh ben, c'est tout. On va passer à Lilian. C'est l'Empire contre-attaque, là. C'est pas Dune contre-attaque. Alors, moi, j'ai mis... donc, comme t'en as parlé, Alain, j'ai mis Furiosa, donc le dernier Mad Max. C'est exactement comme ce que t'as dit. Fury Road, je l'ai trouvé spectaculaire, incroyable, avec des scènes de malade. Et donc, dans Furiosa, alors, pour pas spoiler, à part... donc le véhicule de Chris Hemsworth avec donc il a des motos et qui tire son char. Bah j'ai trouvé que c'était tout le temps la même chose, qu'il y avait pas de nouveauté plus que ça par rapport à Fury Road, et que en plus Furiosa elle est, j'ai trouvé qu'on s'attardait pas tant que ça sur sa vie ou sur le moment où elle devient vraiment Furiosa. Donc un peu déçu. Donc ça, sachant que c'est un préquel de Fury Road. Ouais. Mais j'ai trouvé que le personnage, bizarrement, il n'était pas assez développé. Oui, que dans Fury Road, justement, il est extrêmement développé. Carrément. Ouais, par rapport à Mad Max, oui, en effet, qui lui a... Et bon, déjà, changement de Mad Max. Hein. Malheureusement, Mel Gibson restera, je pense, pour la plupart, le Mad Max. Tom Hardy, même si c'est un bon acteur, bah là, c'est dur de prendre derrière. Là, on a vu la même chose pour Furiosa, ouais. Parce que remplacer Charlize Theron... Ah, Charlize Theron, en plus... Par Anya Taylor-Joy. Ouais. Voilà, c'est pas ça. Chris Hemsworth, je trouve qu'il tire bien son épingle du jeu, et en méchant, relativement, il est pas mal. C'est peut-être le petit plus. Ouais, je suis d'accord. Et alors après, je l'ai mis dans les flops, mais en fait, c'est un film moyen. J'ai mis Heureux Gagnant. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy. Et en fait, c'est plein de couples ou de familles ou de personnes différentes, donc avec plein d'histoires qui sont pas liées entre elles, qui gagnent au loto, ou en tout cas qui ont une manière de gagner au loto. Et alors, au début, j'ai trouvé que l'idée, elle était pas mal. Mais finalement, je sais pas pourquoi, j'ai pas passé un si bon moment que ça devant le film, et je me suis un peu ennuyé. Oui, je suis un peu comme toi. Le début avec Eboué, là, c'était... Ça part un petit peu en furie. On dit, ça va être terrible. N'ayant pas lu le synopsis total, je me suis dit, mais il y a Eboué, ça va être rigolo et tout. Et puis, film à sketch avec des sketchs plus ou moins drôle, plus ou moins intéressant. Bon, voilà, ça vaut pas un cinéma, quoi. Il faut le dire, c'est... On regarde ça, oui, on va pas en ressortir. Alors qu'il est beau, moi j'adore, en général. Lui et Angie Jol, les films qu'ils font, c'est assez corrosif. Ben là, ouais, c'est plus tranquille. Et ensuite... Alors après, le dernier, alors, ça va être un peu spécial, parce que je ne l'ai pas vu, mais je compte ça comme un flop, du coup. J'ai mis Joker Folie à 2, parce que j'ai adoré le 1, genre, j'ai trouvé que c'était vraiment un... Pas un chef-d'œuvre, mais vraiment un très très grand film. Et donc, j'avais hâte d'aller voir le 2, et je me suis pris toutes les critiques dans la tronche, donc j'ai plus envie d'aller voir le 2. Donc, ben, je sais même pas quoi vous dire. Donc, je l'ai compté comme un flop, du coup. Alors qu'il y a des gens qui défendent les critiques sur ce film. En fait, c'est hyper controversé, ce film. Je crois qu'il fait vraiment réellement débat. Apparemment, les prestations sont bonnes. C'est-à-dire que Joaquin Phoenix ou Lady Gaga, qui nous a déjà prouvé son talent en tant qu'actrice, ouais. Il y a des gens qui défendent brut pour point ces les prestations-là. Gaga-istes. Ouais. Mais il y a beaucoup de critiques, effectivement. C'est gros débat. Bah, moi, en plus, je peux spoiler déjà, bah, je l'ai mis aussi dans mes flops. J'ai adoré le premier. Alors, faire une comédie musicale, même les gens qui aiment les comédies musicales, je nomme Maxine, qui était, oui. Qui a travaillé ici sur Radioactive, qui, elle, est une fan, comme elle l'a prouvé en nous en parlant avec amour des comédies musicales, bah, elle a trouvé ça nul. Allez, alors, si Maxine a trouvé ça nul, il faut pas y aller. C'est nul. Franchement, elle, c'est Madame Comédie Musicale, hein, c'est une fana. Et ben, elle me dit, même elle a été déçue. Le jeu des acteurs est pas. Mais bon, oui, c'est un peu foutraque. C'est ça. Hein. Le scénario tient pas trop la route. Pourquoi une comédie musicale? Bah, ça, c'est les Américains. Ils adorent ça. On sait pourquoi. Ça demande pas forcément. On peut avoir des chansons à un moment, mais là, c'est. Voilà. Bon. Moi, c'est pour ça que ça m'a pas trop plu non plus. Et puis ça, ce genre de film, bah, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent le filon. C'est pareil, hein, Joker, Batman, machin. Voilà. Alors moi, j'ai pas aimé le premier. Ah, moi, j'ai... Contrairement à vous. Joker. Ouais. Je l'ai trouvé malaisant. C'est ça qui est bien. Ah ouais, mais moi, c'est pas ce que je cherche, en fait. C'est bien. Malheureusement, on retrouve ce qui va nous arriver si on continue. Hein. Là, on montre bien la chute, comment quelqu'un qui est malade est traité. Si on enlève la sécurité sociale, ça vous rappelle quelque chose. Ben, on voit ce que ça donne. Ou on peut trouver une solution sociale. On décide de supprimer une fois de plus la finance. Et on voit ce que ça peut donner. Et là, c'est empire. Et puis, comme tu dis, c'est vraiment malaisant. On fait un monstre d'une personne qui, au départ, est un malade gentil qui traitait normalement, aurait pu rester un citoyen lambda avec un boulot. Et alors que là, on en fait vraiment. En même temps, il est extraordinaire dans le film. Il n'y a rien à redire sur sa compétence d'acteur parce que réellement, il fait flipper. Enfin. Pas envie de te croiser, Joaquin Phoenix, un soir dans une ruelle un peu sombre, dans les escaliers. Bah, moi, ce que j'ai apprécié de ce film, justement, à l'époque, c'est que même des gens qui n'étaient pas fans de super-héros ont vu ce film et l'ont trouvé bien. C'était le cas de ma famille, notamment, qui n'est pas très super-héros. Et là, c'est totalement déconnecté, vraiment. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très fort. C'est d'arriver à attirer une frange de la population qui n'aurait jamais été voir un Batman ou un Joker. Mais parce qu'il n'y a pas trop les codes des super-héros dans ce film. On aurait pu remplacer le Joker par n'importe quelle autre personne de la vie normale. Et on voit juste la descente aux enfers de quelqu'un qui n'a pas de sous et qui est malade. Quoi. Voilà, non, mais c'est comme t'en parlais, The Batman, qui est un très bon film qui peut s'adresser aux fans et aux non-fans de super-héros. Voilà, il y a des films qui... Ben, j'aime bien justement les super-héros qui ne sont pas en fait des super-héros au départ. Bon, il y a des gadgets qui vont les aider à être, mais derrière, il n'y a pas la kryptonite, il n'y a pas les dents qui poussent et compagnie. Non, ben, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais revenons à nos moutons. Quel est ton flop suivant? Alors, globalement, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de Bradley Cooper sur les écrans cette année, mais ça, c'était mon petit message personnel. Bradley, si tu nous écoutes. Sous la scène, voilà quoi. On t'en parlait tout à l'heure, le requin dans la scène, super catastrophe. Voilà. Alors, je l'ai regardé, je suis allée au bout. Hein. Mais enfin, voilà. Quoi dire de plus? pas grand-chose. Bah moi, j'ai bien aimé, parce que c'est se foutre de la gueule des Jeux Olympiques, cette merde qu'on nous a, qu'on nous a imposée. C'est vrai que c'était bien joué, voilà, c'est... Mais je pense qu'il l'a fait, parce qu'ayant rencontré Christophe Gans, justement, grâce au CGR, on avait fait... Et c'est un gars, voilà, il a de l'humour derrière, et voilà, c'est un nanar assumé, ce que j'appelle. C'est-à-dire que on sait très bien que c'est impossible. Alors, il y a bien sûr tous les abrutis de scientifiques qui ont dit « C'est pas possible dans la scène, nanani, nanana. » Contrairement à, comment ça s'appelle, Gladiator 2, où c'est assumé, c'est-à-dire qu'on nous met un requin en sachant pertinemment que ça n'existe pas, là, on nous fait des pseudo-scientifiques. C'est se foutre aussi de la gueule des écolos, ultra-écolos, qui nous disent « Attention, on va mettre... Il y a les requins qui vont arriver dans la scène. » Bon, il ne faut pas pousser le mémé dans les orties jusqu'au bout. On montre bien que la science a ses limites, les extrémistes ont leurs limites, la connerie n'a pas de limite, par contre, et on le voit bien dans ce film-là. Après, on voilà. On a Bérénice Bejot qui joue bien. On, hein, a, des bons, on, a, des ouais. bon, on a des bons acteurs et tout, mais voilà, faut prendre ça comme un film de détente, hein, comme Les Tuches, comme... mais dans son genre, un film de genre, avec un petit côté critique derrière. Ça sera pas le chef-d'œuvre qui va en ressortir, mais bon, j'ai vu pire comme film nanar d'horreur, là. Non, mais moi, surtout, cette satire des Jeux Olympiques et du monde politique, là, qui vient se parader, et c'est ce qu'on a d'ailleurs eu aux Jeux Olympiques, hein. Ça a été un tremplin pour des gens qui n'avaient rien à foutre là. Et on montre bien que bah, l'argent... Il y en a quand il faut, on peut avoir de l'argent. On n'en a pas pour les hôpitaux, mais pour du pain et des jeux. On parlait de Gladiateur. Dans le Gladiateur, le fameux Macroniste joué par Denzel Washington, on a reconnu qui c'était, puis on voit ce qui se passe actuellement. On n'en est pas loin, hein, du pain et des jeux. Voilà, mais faut, à un moment, il y a eu Spartacus, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc sous la scène, voilà, oui, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, donc oui, pour grosse surprise, pour plutôt un film à dimension familiale. Joker Folie à deux, pareil, alors bon, moi je l'ai pas vu parce que déjà le premier m'avait pas emballé. Puis voilà, un petit film sur la plateforme du gros N rouge Don't Move. Bon, voilà, que j'ai regardé, mais que pas... Voilà, alors moi j'aime bien le suspense, alors je me suis dit, hein, peut-être que, puis bof, bouf. Voilà. En fait, t'as pas bougé. Non. Non. Ok, bah pour moi, c'est Beetlejuice 2. Ouais, pas vu. Je l'ai pas vu, ouais, non. Je m'attendais à quelque chose... Bon, Burton, il est un peu comme Ridley Scott, hein. Il commence à caler un petit peu, je trouve. Qu'il... C'est ça, hein. C'est des réalisateurs, ils ont un petit sursaut de génie de temps en temps. Mais de ce que j'ai cru voir au niveau du scénario et de certaines critiques, ça a l'air d'être un recopié du premier. Ah ben voilà, et puis, allez, on remet quelques acteurs à la mode. Il y a un plateau, c'est le fameux Beetlejuice qui est... Ça se passe dans un monde avec les morts, avec tout ça, et puis... Beaucoup de grands guignolais, c'est à la Tim Burton, ça. Oui. On reconnaît la patte de Tim Burton, mais bon... Tout le battage pareil qu'on a fait autour de ce film. Bon, le casting y a joué un grand rôle. Et puis, on ressort avec quelque chose. On retrouve quel acteur, par exemple, en reconnu? Michael Keaton. On va retrouver Winona Ryder, qui était dans le premier. Ah oui, parce qu'il n'y a plus Johnny Depp. Ouais. Oui, dans ceux-là, dans les nouveaux, justement, avec pas mal de battages médiatiques, Jenna Ortega. Jenna Ortega, qui va mercredi, être bonne. Mercredi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Qui va être bonne dans certains films, et là, bon, voilà. Mais voilà, on a l'impression d'un cocktail. Allez, hop, on met un peu de vieux, un peu de jeune, on met quelques effets spéciaux. Ouais, puis bon, franchement, autant le premier était rigolo, ça sortait de l'ordinaire, que là, bon, oui, c'est un peu attendu, c'est pas... Joker Folie à deux, je l'ai évoqué, donc on va pas le révoquer plus longtemps, ce que j'en ai pensé. Et puis, j'étais... En tant que fan de jeux de société et d'horreur, j'ai regardé Loup-garou. Ah oui, c'est le avec truc avec... Dubosc. Avec Dubosc et Jean Reno. Alors là... Alors, chers auditeurs, vous n'avez pas l'image, mais là, il regarde le plafond. On a Alain qui vient de se décomposer en direct. Ah là là, non mais franchement. Alors, j'aime le film de genre, j'aime les films français de genre, parce que au moins, je leur donne le coup d'œil, parce que j'estime qu'on doit aider le film de genre français. Voilà, si vous pouvez passer, n'hésitez pas. Non, franchement, c'est injure au jeu. Même, ça aurait pu être au moins... On a le Dubosc, c'est là il est pas en slip, mais il est en loup-garou. voilà, ce qu'on vit Camping et compagnie. Voilà, bon, autant il a pu être drôle à un moment que maintenant, puis Jean Reno, c'est pareil, il commence à faire has-been. Ah, mais Jean Reno, il est à toutes les sauces, de toute façon, tu le vois partout. C'est autant c'est à marrant, l'époque de Léon. De passer d'une carrière internationale à tomber à ça. Ça fait penser un peu à Robert De Niro qui finit dans des comédies un petit peu. Et bon, de temps en temps, il a un sursaut, De Niro, mais de le voir dans pas mal de comédies, c'est vraiment de l'alimentaire. Ouais. On a l'impression de voir, vous savez, je vais pas être très sympa, Jean Lefebvre et Galabru qui tournaient aussi bien dans des bons films que dans des merdes. C'est un petit peu le cas. Ce film-là, si vous êtes fan du jeu, fan de films de genre, évitez-le. Voilà. Ouais. Et puis pour ne rien arranger, en même temps, c'est sorti à la même date, sur la chaîne avec un grand C et un plus, il y a un autre loup-garou qui est sorti, qui lui, pour le coup, c'est une série qui est très très bien, donc mis en scène par Panayotis Pasco et Farid, bon, sur le jeu aussi. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien. Et dommage pour Dubosc et Jean Reno. Ah ouais, le timing, comme tu l'as dit, il est mauvais, parce qu'en face... Il y a une série qui est bien basée sur le jeu, qui est beaucoup plus travaillée, alors que là, bon, c'est... Il est bon, ce petit jeune Panayotis. Panayotis, ouais. Et en plus, effectivement, il y a le thème du loup-garou, comme ça, il y a moyen de faire des trucs incroyables, honnêtement. Le loup-garou de Tertiolieu, c'est jeu d'enquête, policier, etc. C'est... Mais non, mais là, on part à des dubosqueries avec des blagues à 10 balles, c'est soit on choisit de mettre un petit peu d'humour. On a eu le loup-garou de Londres ou des choses comme ça où il y a des moments où on rigole, mais ça reste flippant, quoi. Que là, on a du mal à y croire, quoi. Mais même pas, j'aurais envie de cliquer dessus, de le regarder, en fait. Ah bah, ouais. Qui m'a pas donné envie, pareil. Ouais, moi non plus. Moi, j'aime bien, justement, aller jusqu'au bout de ma connerie. Comme dit à l'autre. Non, mais au moins, après, je peux te donner la vie. Et si je peux aider les gens à ne pas le voir, c'est ça. En 2024, là, il y a eu une curiosité au cinéma, j'y serais bien allée. Est-ce que vous avez vu La Zone d'intérêt ? Alors, j'ai commencé à le regarder. Non. Ouais. Mais bon, c'est un sujet qui me... C'est quoi le synopsis ? Quand on a vu la liste c'est des sur la famille qui a vécu... La famille du commandant Rudolph. Du commandant Rudolph S, qui a vécu à côté du camp d'Auschwitz. Okay. Ah oui, je crois que c'est un film qui est très très coloré alors que... T'as le camp qui est à côté et puis bon, la fille qui vit dans une petite maison. Avec... Ce genre de film, j'aurais été curieuse. Ça commence à me gaver. On a eu la liste de Schindler, le repenti sans arrêt. C'est trop. Au bout d'un moment... Et surtout, c'est le genre de film qui disent, regardez, c'est comment on peut vivre à côté de gens qui se font massacrer. Suffit de sortir dans la rue pour voir les manifestations pro-Israël. Donc, tous ces trucs, voilà. Vous demandez comment des gens peuvent dormir confortablement pendant qu'il y en a qui sont massacrés, regardez la 15 et la 16. vous regardez le massacre le génocide indien aux États-Unis. Il y a qu'un génocide, pour moi, il y a des génocides. Oui. Le Rwanda. Moi, Marlène, le Rwanda, je te comprends. J'aurais bien aimé le voir aussi. Je me dis que des fois, de se reconfronter à l'horreur qui est quand même une réalité, je suis fondamentalement d'accord avec ça. C'est juste qu'à côté, il faut regarder que ça sert à rien de critiquer quelque chose que derrière, on va encenser pour finalement faire la même chose. Voilà, c'est ce côté, moi je suis comme Vincent. Il y a un côté un peu hypocrite. Voilà, c'est que derrière, faut que tous les traitements, l'esclavage à une époque, par exemple. Choix de le regarder ou pas. Oui. Ah oui. C'est un choix, je suis d'accord, mais bon, moi j'aimerais que tous les sujets soient traités avec un pied d'égalité. C'est-à-dire que tout génocide, c'est une saloperie et qu'on doit reconnaître au niveau des États, de la personne, de dire ça c'est aussi dégueulasse que ça. Et pas faire des comparatifs avec des... ça c'est moins, ça c'est plus, ça c'est... Voilà, toute guerre, tout génocide, ça doit être traité sur un pied d'égalité et pas de comparaison. Et aussi que, il y a toujours les films sur le même sujet. Moi, j'attends plus, justement, voir, comme tu l'as dit, des films sur les différents génocides et pas sans arrêt cette repentance. Ça fait partie de l'histoire, c'est une dégueulasserie de l'histoire, mais ça suffit. À chaque coup, on en remet un petit coup. On prend les gens, on les infantilise, on les prend pour des cons. Mais après, au-delà du thème, après, on en pense ce qu'on veut de ce thème, effectivement, c'est sujet à discussion, mais est-ce qu'il est bien fait, le film ? T'as commencé à le regarder ? Oui, j'ai commencé à le regarder. J'ai déjà vu ce genre de film, donc moi ça me... Justement, ce que je cherche, c'est un traitement un petit peu différent. Mmh. C'est pas un mauvais film, loin de là, mais bon, voilà, au bout d'un moment, j'ai décroché, parce que j'ai dit, oui, bon, la liste de Schindler, j'avais aimé, hein, c'était vraiment bien fait, le sujet, voilà, mais voilà, une fois en plus, on parlait des sujets qu'on remet sur le tapis, sans arrêt, il y a plein d'histoires, l'histoire est très intéressante, il y a plein de... justement de saloperies à dénoncer dans l'histoire, voilà, toujours le même. Non, bien sûr. Voilà, c'est surtout, comme disait Vincent, voilà, une pluralité, traiter et pas faire un plat d'une chose dégueulasse de l'histoire. Il y a plein de choses dégueulasses dans l'histoire, et comme il l'a dit, bah, faut aussi actuellement, je pense que ce serait bien de dénoncer plus ce qui se passe actuellement dans des films, pas attendre 4, 5 ans qu'il y ait des milliers de morts pour commencer à dire, bah oui, c'était pas bien, non. Je pense que le rôle des cinéastes aussi, c'est de rapidement être aussi réactif. Et bon, après aussi, on sait que les finances, on sait qui amène les finances. Et donc, à un moment, bah, c'est vrai que c'est plus dur d'aborder certains sujets. Mais voilà, bon, pour moi, bon film. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais ouais, bah, j'attends d'autres films avec d'autres sujets. Ok. Voilà. Mais okay. C'est juste mon avis. Hein. Après. Eh bien, on va être tous d'accord pour faire une petite pause musicale et puis on va écouter la bande originale de Monte Cristo avec le morceau « Le Trésor ». Eh bien, retour sur le spécial bilan 2024, sortie 2025 de Cinéphage. Alors, toujours avec Lilian, Vincent, Marlène et moi-même. Alors, maintenant, on a décidé de vous présenter 6 films et qu'on va un petit peu commenter après parmi les 6 films. Vous me direz chacun celui ou qui sort un petit peu du lot pour vous, qui vous donne envie de voir. Alors, je commence le premier, ça sera 28 ans plus tard. Donc, la suite des 2 films qu'il y a eu de Danny Boyle. Alors, c'est la Grande-Bretagne qui vit depuis 28 ans sous le joug d'une terrible épidémie qui infecte les personnes et en fait des humains enragés. Quelques groupes de non-infectés subsistent. L'histoire se concentre sur un jeune garçon qui cherche un médecin pour aider sa mère mourante. Et on va retrouver Cillian Murphy dans ce film. Ensuite, Signers, le sud des États-Unis pendant la ségrégation, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils vont comprendre qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. On retrouve Jack O'Connell et Michael B. Jordan dans les rôles principaux. Ensuite, Bugonia. Alors donc, ces 2 hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG convaincue qu'elle est une extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. Et dans le rôle de cette grande PDG, c'est Emma Stone. Et on trouve Jess Plemons aussi. Ensuite, eh bien, pour les fans de romantisme, le retour de Bridget Jones, folle de lui. Donc, les aventures de Bridget, jouée par Renée Zellweger, toujours, et son entrée dans la cinquantaine, ses adaptations à la vie moderne et ses défis de jeune mère. Donc, toujours avec Hugh Grant, Colin Firth et Emma Thompson. Ensuite, Greenland, migration, les pérégrinations de la famille Garrity à travers une Europe gelée après avoir survécu à la collision entre une comète interstellaire et la Terre et s'être caché in extremis dans un refuge au Groenland dans le premier opus, donc la suite d'un film avec Gérard Butler et Morena Baccarin. Et enfin, le dernier film de cette série, God Save the Tush. On en a 2, et avec Jean-Paul Rouve. Cette fois-ci, c'est lui qui se met, après Olivier Barou, à la mise en scène. Et donc, les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzol. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, bien, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas prête d'oublier leur séjour. Et on retrouve, bien sûr, Isabelle Nanty, Pierre Lottin, qu'on peut voir actuellement dans Enfant phare, hein, qui est un excellent acteur. Et puis, plein des... la famille dégénérée des Tuches. Voilà. Donc, messieurs, dames, à vous de jouer. Parmi ces 6 films, lequel vous plairait un petit peu plus? Alors, moi, au niveau du scénario, c'est plus 28 ans plus tard qui m'intrigue, avec les humains enragés, etc. Et sinon, bah, moi, je pense que de tous, le celui que j'ai le plus envie d'aller voir, bah, c'est les Tuches. D'accord. Voilà. Vincent? Aucun. Vraiment aucun? Aucun. C'est 28 ans oui, plus. Oui, mais si t'avais pas le choix. Ah, si j'avais pas le choix, Bugonia, allez, soyons fous, ça a l'air drôle. Mais autrement, 28 ans plus tard, non, je suis un très très gros fan de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, que j'ai adoré. Donc 28 ans plus tard, je me dis que c'est peut-être un petit peu trop. Greenland Migration, le 1, je l'avais pas aimé. Bridget Jones, j'ai jamais regardé, donc forcément ça m'attire pas. Sinners, non, pas spécialement. Et God Save the Tush, un peu ras la casquette. Marlène? Wow, alors je vanne Vincent, je dis « il faut que t'en choisisses un !» Sauf que je sais pas trop, moi. peut-être 28 ans plus tard, voilà, ça me fait penser à la... Alors moi, j'ai pas vu les autres, mais ça me fait penser un petit peu au scénar de « Je suis une légende ». Oui. Et j'ai bien aimé ce film, alors je me dis que peut-être que... Parce qu'après, les histoires d'extraterrestres, de science-fiction, de Bridget Jones, bon, voilà, les Tuches, bon... Donc ouais, 28 ans plus tard. Ok, bah moi, 28 ans plus tard, je l'attends, parce que Danny Boyle, déjà. Pour les suites, il nous avait fait quelque chose de bien. Et Cillian Murphy revient, c'est pas les mêmes acteurs, donc voilà. Donc, et puis, bah, j'avais bien aimé les 2 suites. Les Infectés, justement, ça a changé des films de zombies, et mettre que c'était une cause humaine avec les singes qui avaient transmis dans le premier. Voilà, bah, puis la façon de filmer de Danny Boyle... Bah, j'espère quelque chose de bien. Peut-être il a pris le temps de justement, parce que c'était un petit peu un serpent de mer, hein, ça revenait régulièrement. Donc, je vais lui donner un petit peu sa chance. Et puis après, les autres, je les regarderai si j'ai le temps de les voir. Mais sans plus. Les tuches, si j'ai l'occasion de voir, je dis bien à la télé, ça m'étonnerait, j'irai le voir au ciné. Où j'attendrai, parce que y a pas urgence. J'aimerais voir le traitement que va en faire Jean-Paul Rouve. Parce que il a quand même sa façon de filmer. Voir comment il va justement réinventer essayer de donner envie de regarder les tuches. C'est surtout le seul intérêt. Parce que derrière, on sait que ça va être de la déconnade, et voilà. Autant j'adore les trucs absurdes, mais je sais pas, les tuches, ça m'embarque pas. Je sais pas ce qui manque à cette recette pour que... Et peut-être aussi qu'on en a fait un peu le tour, parce qu'effectivement, dans le résumé que t'as dit, entre le choc culturel et maladresse, mais qu'est-ce qui va changer de leur voyage aux États-Unis? Voilà, c'est ça. C'est à part faire des blagues sur le fait qu'ils boivent du thé ou sur les Anglais, je vois pas ce qu'ils vont raconter. Ça change même pas grand chose de des premiers tuches où ça marque la différence entre eux et les habitants de Monaco. Bah c'est ça. Même le premier, c'est Monaco. Ça fout. Après, les goûts et les couleurs. C'est le choc des cultures, une parodie du choc des cultures. Parce que c'est vrai, entre Monaco et Bouzol, ils mettent que c'est dans le centre de la France, mais on voit que c'est des ch'tis. Hein, sans être méchant, c'est une parodie, la façon. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'univers des Robin des Bois, quand ils faisaient Radio Bierfaute. Leur fameuse émission sur comédie, c'était les tuches avant l'heure. Quoi. Donc il y a plein de clins d'œil, et puis c'est toujours un peu cet humour, un petit peu décalé de KDO qu'on avait dans Il faut tuer Pamela Rose, on a retrouvé Pamela Rose. Ce genre d'humour un petit peu décalé. Eh bien, on va continuer. Alors là, je suis sûr que ça va réagir un petit peu plus. Je vous propose Kaamelott, le deuxième volet qui normalement devrait sortir. Le scénario tourne autour des aventures des chevaliers de la nouvelle table ronde d'Arthur. Arthur a monté sa table ronde maintenant, donc il y a des gens à la table ronde, et comme le premier volet l'avait présenté, il y a des anciens et des nouveaux. Il y a des jeunes gens, des tout frais et des pas tout frais, et tout ce monde doit faire ce qu'un chevalier normalement doit faire, c'est-à-dire se distinguer par un fait d'armes ou une aventure personnelle. Et donc, il va partir de la table ronde, vivre quelque chose et revenir. Donc, c'est un petit peu surtout ce qui va se passer autour d'eux. Ensuite, Les Linceuls. Donc, c'est l'histoire de Karch, 50 ans, qui est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis la mort de son épouse. Il va inventer un système révolutionnaire et controversé, GraphTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées et Karch se met en quête des coupables. Ensuite, on a The Running Man, qui est un remake d'un ancien film. Donc, c'est au premier quart du 21e siècle. La dictature s'est installée aux États-Unis. La télévision, arme suprême du nouveau pouvoir, règne sans partage sur le peuple. Une chaîne unique diffuse une émission de jeux suivie par des millions de fans. C'est La Grande Traque. Ben Richards, un homme qui n'a plus rien à perdre, décide de s'engager dans la compétition mortelle. Pendant 30 jours, il devra fuir les redoutables chasseurs lancés sur sa piste et activement aidé par une population encouragée à la délation. Tous les moyens sont bons pour éliminer Ben Richards. Donc on trouve Glenn Powell et Cathy O'Brien dans les rôles principaux. Ensuite, Alto Knights. Donc Vito Genovese, joué par Robert De Niro, et Frank Costello sont les deux patrons du crime italo-américain au milieu du XXe siècle, donc histoire réelle. Donc l'histoire, ça se passe en 57. Genovese tente d'assassiner Costello, mais il échoue. Ce dernier, blessé par l'attaque, essaie de se retirer de la mafia. Donc c'est un peu le combat de la fin des grands mafiosi italiens. Ensuite, Captain America Brave New World, qui reprendra le costume et le célèbre bouclier. Ce nouvel opus, situé après les événements de la série Falcon and the Winter Soldier, poursuit la passation symbolique du titre de Captain America. Et là, c'est Anthony Mackie, Harrison Ford qui va être là, ainsi que Liv Tyler. Ensuite, on a The Witcher, Siren of the Deep, qui est un long métrage d'animation de Kang Ichui, le célèbre chasseur de monstres Gérald de Rive est chargé d'enquêter sur une série d'attaques dans un village côtier. Cette investigation le plonge alors dans un conflit vieux de plusieurs siècles entre humains et le peuple de la mer. Gérald de Rive doit faire appel à ses amis pour résoudre cette tension et éviter que ces hostilités ne dégénèrent en guerre totale. Donc c'est un peu la suite de la série qu'on a pu voir et de la série préquelle. Alors messieurs, dames, à vous de jouer. Alors, moi pour commencer, dans les films que j'irai voir, donc déjà de sûr, il y aurait Kaamelott et Captain America. Kaamelott parce que j'adore la série. C'est un peu mon père qui m'a bercé à ça, mais donc j'adore cette série. J'avais été voir le premier film, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, j'avais pas trouvé qu'il était excellent, mais je l'avais trouvé passable. Donc je vais aller voir le 2. Et Captain America, parce que je suis tous les Marvel, donc ça, pour moi, ça paraît logique d'aller le voir. Je m'attends à pas grand-chose, honnêtement, parce que je sais pas, il me donne pas si envie que ça, mais je vais aller le voir quand même. Et sinon, dans les films qui me donnent envie, je pense que The Running Man, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Voilà. Le sujet est souvent traité. Ça a été traité en France. Justement, c'est ce que j'allais dire. The Running Man, c'est totalement le prix du danger d'Yves Boisset. Voilà. Et puis, en 1970, il y avait une version avec Mastroianni que j'ai vu et Ursula Andress, 10 hommes à abattre, c'est déjà le même thème. Et il y a eu un film aussi, Running Man, qui avait été aussi tourné. Donc, sur le même principe de il y a une seule personne et tout le monde le... Ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu comme Squid Game, la série. Enfin voilà, c'est les dérives de la télé-réalité. Et puis du pouvoir suprême. On parlait tout à l'heure du pain et des jeux, c'est la version moderne. Vincent ? On va partir sur Les Linceuls, donc de mémoire de David Cronenberg. Forcément, moi j'attends. Voilà. Et autrement, Kaamelott, c'est comme le premier. Ça me dérange pas, mais disons que je vais attendre qu'il passe à la télé. Pour moi, ça vaut pas une séance de cinéma. Il y a ces films comme ça qui m'intéressent, mais pas de là à dépenser 10 balles pour une séance. Voilà. Tu demandes au Père Noël, Vincent. Non, ça va. Marlène ? Alors, pareil, Kaamelott, parce que j'adore Alexandre Astier. Vraiment, j'adore ce mec à tout point de vue, j'adore. Les Linceuls, alors, ce serait plus parce que j'imagine qu'il doit y avoir de l'émotion. Pardon, excusez-moi. J'imagine qu'il doit y avoir de l'émotion dans ce film. J'aime bien, moi, avoir... Voilà, donc un film me bouscule un petit peu. Ok. Désolée, je ne vous sors pas des super références d'auteurs. Voilà. Non. C'est... pour ma part, Kaamelott, pareil, j'aime bien l'humour de Kaamelott. J'aime mieux la série que le film. C'est comme souvent, c'est très dur de passer de sketch ou de séries très courtes comme ça, où on rigole et puis hop, avoir un film comme ça qui se tient. Mais bon, ça reste toujours les dialogues. Et puis bon, en général, le casting, il va chercher des pointures. Donc c'est assez rigolo. Ou alors des gens à contre-rôle, ça j'aime bien aussi. On s'attend pas à les voir. Donc oui, pourquoi pas. Le dernier Cronenberg, Les Linceuls, c'est toujours Cronenberg. Alors pareil, hein, accrochez-vous dans vos fauteuils. On parlait de Substance. Si vous aimez pas le body horror. En général, c'est vrai que. Ah oui, on est dans ce registre-là. Ouais. David Cronenberg, c'est La Mouche. Son plus grand. Ah non, parce que tu regardes Inconsolable depuis le décès de son épouse. Il veut la revoir. Alors moi, je suis partie dans un truc plutôt. Aude Rose. Plutôt. Plutôt romantique. Mais ouais. Non, c'est pas ça alors. Du tout. C'est plutôt Rome antique en général, mais voilà. Ça peut être effectivement une bonne histoire d'amour mélodramatique. Mais il y a toujours un peu il est toujours ça le travaille hein, quand même. Et puis derrière, Running Man, voir ce qu'ils vont en faire, même si le sujet a été traité, c'est juste par curiosité. Les histoires de mafiosi, vu revu, donc ça. Captain America, j'en attends pas spécialement, contrairement à toi Lilian. Bon, moi, c'est ce que je dis, l'overdose de remake du copain, de la sœur, du machin. Donc au bout d'un moment, autant certains, quand je découvre un nouveau personnage et que c'est pas mal traité, qu'il y a un petit pont historique, mais là, Voilà, j'en attends pas grand-chose. The Witcher, bah, je suis pas... Alors, je suis fan d'Heroic Fantasy, mais j'ai du mal à accrocher à The Witcher. C'est marrant, hein. Bah, moi, c'est toujours avec Henry Cavill en tant que... Bah, là, c'est un film d'animation, donc... Ah oui, bah oui, j'ai pas vu tout. Ouais, bah, je... Donc, je suis voilà. Un peu comme toi. Voilà, bon, faudra peut-être que je... Pourtant, je Game of Thrones, il y a plein de... The Last Kingdom, il y a plein de séries, où, voilà, de historiques ou pseudo-historiques, et là, non, bah, j'ai moins accroché. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire à nouveau une petite pause musicale avec la BO de Gladiator 2, hein, c'est le thème repris Now We Are Free, donc l'épique version. Bon, bah, vous retrouverez le thème du 1. Bon, ça fait du bien, on va se relaxer un petit peu avant de rattaquer la deuxième partie des films à voir cette année. Retour sur le Cinéphage spécial, le bilan 2024, sortie 2025. Alors, on va vous présenter à nouveau 6 films et vous allez nous dire ce qui vous plaît plus ou moins. Ensuite, eh bien, j'ai proposé No Other Choice, le remake du couperet de Costa Gavras de 2005. Donc, un film coréen de Yoon Man-soo. C'est l'histoire d'un ancien employé de bureau depuis 25 ans qui a soudain été licencié et qui va chercher à tout prix un nouvel emploi pour protéger sa femme Miri et leurs deux enfants. Surtout, garder leur maison qu'ils avaient achetée avec beaucoup de difficultés. Et il n'a d'autre choix que de préparer sa propre guerre. Ensuite, une nouvelle version de Frankenstein, mais celle-là de Guillermo del Toro. Ça se passe bien sûr en Europe de l'Est au 19e siècle, avec le docteur Pretorius qui part à la recherche de Frankenstein, le fameux docteur que l'on croyait mort dans un incendie 40 ans plus tôt, et son but est de poursuivre les fameuses expériences du créateur du monstre, le docteur Frankenstein. On va retrouver Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christopher Waltz et Mia Goth dans les rôles principaux. Ensuite, pour les fans d'Ethan Hawke et compagnie, bah, Mission Impossible 8, The Final Reckoning, le huitième opus des aventures d'espionnage d'Ethan Hawke, avec Tom Cruise, qui n'est pas encore à l'EHPAD, mais qui continue, et son équipe de spécialistes. Donc, bien sûr, l'adaptation de l'excellente série à l'époque, dont on a parlé dans Serivore, qui était Mission Impossible. Ensuite, Dragon, de Dean DeBlois. Alors, le fameux film en live action de Dragon, hein, le dessin animé, cette fois-ci, qui se passe toujours dans le monde des Vikings, avec les aventures du jeune Harold qui devient ami avec un dragon blessé qui s'appelle Croc-Mou. Alors là, on retrouvera Mason Thames, Nico Parker et Gerard Butler dans les rôles principaux. Et puis ensuite, on a Joué avec le feu de Delphine Coulin et Muriel Coulin. Alors c'est Pierre, qui est joué par Vincent Lindon, qui est un cheminot d'une cinquantaine d'années, qui élève seul ses deux fils. Et lorsque Louis, le plus jeune, quitte la maison pour aller étudier à la Sorbonne à Paris, Fus, qui est un peu plus âgé et qui ne réussit pas aussi bien dans les études, devient de plus en plus secret. Fasciné par la violence, il se retrouve mêlé à des groupes d'extrême droite, aux antipodes des valeurs de son père. À bientôt, une tragédie va survenir. Et puis, pour terminer, F1, donc c'est l'histoire d'un coureur automobile joué par Brad Pitt, qui sort de sa retraite pour servir de mentor à un jeune pilote joué par Damson Idris, dans l'espoir de connaître la gloire à nouveau. Et on a aussi Javier Bardem, qui sera au casting. À vous de jouer, messieurs, dames. Alors, pour moi, des films que j'irai voir au cinéma, il y a peut-être, et je dis bien peut-être, Frankenstein, parce que c'est Guillermo del Toro et que souvent c'est pas mal. Mais sinon, il y a Dragon qui m'interpelle un peu et que pourquoi pas, mais je pense pas que j'irai au cinéma. Et Jouer avec le feu, qui, pareil, ça peut être pas mal, mais je pense pas non plus que j'irai au cinéma pour le voir. Vincent ? Bah, pareil, Frankenstein, qui est intéressant, à voir ce que Guillermo del Toro va en faire, parce que il est très bon pour réaliser ce genre de choses. Hein. Le labyrinthe de Pan est un excellent exemple. Ah oui, ça j'ai vu, dis donc. Excusez-moi. Après, Mission Impossible 8, ça fait partie de ces films saga que j'aime bien parce que c'est distrayant, ça fait passer le temps. Donc, mais pareil que Kaamelott, hein, pas au cinéma. Ensuite, Dragon, par curiosité, voir comment ils vont s'en sortir. Ouais, live action. Parce que des live action avec des dragons, il y a eu Eragon, on a bien vu ce que ça avait donné. Mais autrement... Puis Eragon, c'était plutôt l'adaptation d'un livre. Oui. Donc c'était... Alors que là, c'est vraiment le dessin animé, vu, revu et corrigé, qu'on a vu même en petite série et compagnie. Et là... Ouais, mais bon. Des films en live action avec des dragons, on en a vu certains. Donc est-ce que ça va être plus, effectivement, ah bah comme Eragon ou Le Règne du Feu? Voilà, il y a la comparaison. Mais ouais. Là, je pense que c'est tout public. Hein. Ah, c'est ça, j'allais te poser la question. Je pense que ça va être tout public. Ouais. Bah oui, le but du jeu, derrière, c'est d'attirer un max de monde. Hein. C'est pas de faire peur. Comme tu parlais du Règne du Feu, bah oui, Le Règne du Feu... Si vous aimez pas les merguez grillées... Après, Jouer avec le feu, je suis curieux, parce que ça, les groupes d'ultra-violence d'extrême droite, on n'en parle que très peu. Donc, à voir comment ça peut être traité. Mais voilà. C'est le American History X français. Ah, oui. Ouais, bah, mais qui existe vraiment, du coup. Si ça... American History X, c'était... Ouais. Le Ku Klux Klan est toujours là, aux États-Unis. Oh, y a, ce film... Alors celui-là, il... Avec la fameuse scène qu'on... Bon, on va pas spoiler, mais la scène des dents sur le trottoir. Oh. Et vous allez en faire... Sachant que c'est dans votre tête que ça se passe. La scène n'apparaît pas. Oui. Et cette scène, elle vous reste dans la tête tout le temps. Vous voyez, j'en parle, je vois encore l'image. Ah oui, c'est... Il j'ai est jamais puissant, vu, mais on a beaucoup parlé de ça. Extrêmement puissant, ce film. Donc, Marlène ? Eh bien... évidemment, je vais aller voir Mission Impossible 8. À l'EHPAD ? Évidemment que non, mon Dieu. Huitième, non mais enfin, un moment où il faut quand même... Bref. Non, bah, je pense que je vais suivre les garçons sur Frankenstein. je serais assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Et puis, bah, sinon, si on est sur du tout public avec Dragon, avec les enfants, ça c'est peut être un moment dire, sympa. Oui, ça peut être sympa pour le, avec les Titi, c'est vrai que... Non, puis c'est bien aussi de présenter des films un peu bon, là, on présente, où les enfants peuvent aller en voir des films oui. en famille. C'est important. Moi, je pense que bah, c'est aussi notre rôle de leur apprendre très jeune à aller au ciné ou voir des films. C'est une culture. Hein, c'est comme la lecture. Je pense que c'est important. Oui. Par exemple, personnel, je vois mes deux nièces sont fans de cinéma bah, parce que tout petit, tonton les emmenait régulièrement au cinéma. Ah, mais ils y vont plus souvent que moi, hein, mes enfants, au cinéma. Avec les membres de la famille où on a Vaiana 2 là, qui est sorti aussi, on n'en a pas parlé. Mais c'est, enfin, voilà, c'est des moments sympas à vivre en famille. Bon, bah pour moi, Frankenstein, oui, parce que j'ai vu pratiquement toutes les versions, hein, les plus anciennes aux plus récentes. Donc Guillermo del Toro, en général, il nous surprend, il sait faire des, bon, il a fait quelques petites erreurs, mais il a fait pas mal. De... Bon, Hellboy, c'était sa version était pas mal. Mission Impossible. Alors autant les James Bond, je sais que c'est foutraque, mais je regarde, j'attends toujours le dernier James Bond pour voir ce qu'ils en ont fait. Mais Mission Impossible, bon... ça n'a aucun sens, hein. Autant j'adorais la série, j'étais fan de la série, c'était rigolo. Mais là, Tom Cruise... autant il peut être bon dans certains films que là... Comment t'appelles ça, cette technique où t'as des deux séries qui vont fusionner à un moment donné Un crossover. Ah bah tu vois, il devrait faire un crossover Mission Impossible 8 avec James Bond Fast and Furious 64 et Taxi 43. Et les Tuches 5 aussi. Ouais. Tuches. Jeff Tuche, Mission Impossible. Ethan Tuche. Au volant de l'hélicoptère, oh, ça pourrait être pas mal. Et mais nous, on aurait des idées hein, pour égayer un peu. Puis l'avantage, il n'aurait pas besoin de talonnettes. Jean Poudreau est grand et plus jeune. Enfin bon, on ne va pas faire du jeunisme quand même, surtout moi, quand même. Vas-y, balance l'IA, Vincent. Bah, nous, on va t'en faire un scénar. Ensuite, bah, Dragon, moi, c'est un petit peu comme vous, c'est la curiosité de voir ce qui va en être fait, parce que j'aime bien les Vikings, j'aime bien les dragons. La série était marrante, pour, très familiale. C'est le genre de film qui est abordable pour les enfants, justement, de mélanger un petit peu de mythologie nordique, un peu de contes et légendes. Voilà, c'est pas mal, pourquoi pas, pour voir ce que ça va donner. Jouer avec le feu, ben c'est vraiment jouer avec le feu, parce qu'on peut... Bon, j'adore Vincent Lindon, c'est un bon acteur. Je veux voir ce que ça va donner, pareil que ça soit concret, que ça soit pas un petit peu bateau, les sujets qu'on parle, c'est ce que j'ai. Si c'est bien traité, pourquoi pas? Si c'est à l'American History X, oui. Si c'est bâclé, voilà. Mais il faut donner sa chance, justement, c'est des sujets qui sont d'actualité, donc il faut donner sa chance. Quand il y a des films français qui prennent le courage de traiter de sujets actuels, bah, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre... 5, 10 ans ou 20 ans ou 30 ans pour commencer à faire des films sur des sujets qui vont nous arriver, qui peuvent nous arriver dans la tronche rapidement. F1, bon, n'étant pas fan du tout d'automobile, puis Brad Pitt en vieux, bah, Brad Pitt il commence à devenir le Tom Cruise aussi, hein, il commence à faire des films bah, de vieux, c'est-à-dire que ou Stallone qui on l'avait vu dans Drive. C'était dans Drive où il jouait aussi un vieux pilote qui venait servir de sparring partner à un jeune. Ça a été fait, refait, et bon, voilà. Bon, la seule chose, c'est que si vous êtes fan de Formule 1, ça a été tourné vraiment lors des Grands Prix de Formule 1. On voit les champions actuels comme Hamilton qui sont là, et puis voilà. Ah ben, y a Senna, là aussi, qui est sorti là, sur les plateformes. Ah non, c'est The Wall, ça. Je blague. Non, mais oui, il y a plein de... Ça inspire, alors. Oui, la Formule 1, ça revient régulièrement. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Oui, mais le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui se ressemblent. C'est souvent le vieux coureur automobile qui va entraîner le jeune. C'est dommage. Un peu comme les flics, le vieux flic et le jeune flic. Même un peu style comme Rocky. Rocky entraîne... Alors que je veux dire des films comme Rush sur les... Oui, il peut y avoir des films beaucoup... Sur les rivalités entre... J'ai mangé le nom des deux coureurs automobiles, mais c'était vachement intéressant, vachement prenant. Il y a moyen de faire c'est beaucoup. C'est Niki Loda et puis... je m'en rappelle plus, ouais. Oui, oui, voilà. Au moins, oui, que ce soit des biopics romancés, bien sûr, comme d'habitude, mais voilà, que ça amène quelque chose. Bon, il y a des films sur le sujet sportif qui sont très bons, des drames ou sur le dopage. Il y a L'Équipier, par exemple, en vélo, sur le cyclisme. Vous regardez L'Équipier, c'était à l'époque où il y avait Yann Ulrich et compagnie, bah, les grosses affaires Festina. Et là, on montre l'envers d'un vieux coureur qui, pour pouvoir rester dans le milieu, est obligé de pour des questions d'argent et de résultats. Ce qu'on a un peu dans tous les sports maintenant, c'est plus de la compétition, c'est du business, parce qu'il faut gagner, parce que ça rapporte, parce qu'on vend des t-shirts, parce qu'on vend des photos, parce que voilà, c'est le sportif est devenu un produit, et c'est ça, c'est un peu dommage. Et on voit même, on voit ce que... on revient aux Jeux Olympiques dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on voit tous les champions olympiques, c'est des produits. On les voit dans toutes les pubs. Tant mieux pour eux, mais je veux dire, c'est un peu dommage pour l'éthique du sport qu'on utilise des champions juste pour vendre des croquettes, des boulettes, du déodorant, des slips en carton. Ah ouais, des croquettes. Non, bah, je... non, bah, là, j'ai vu Usain Bolt qui vend de la lessive. Ouais, ça, c'est un peu voilà. Je l'ai vu aussi. Moi, ça me fait mal de voir un champion obligé de se rabaisser. Voilà. Ok, le fric, ça mène, mais bon, je pense qu'en plus, s'ils ont bien géré là. Du coup, récemment, Teddy Riner qui fait de la pub pour des vitamines. Voilà, bon, c'est vrai qu'on va croire qu'il prend ses vitamines tous les matins. Enfin bon, bref, c'est vrai. Voilà, c'est ce côté un petit peu sport business qui me gêne un petit peu. Eh bien, on va se gêner un peu moins par une bande originale de film, celle de L'Amour Ouf, un des films, tu vois, on n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas vu, je crois, ici tous. Non. Et puis, on va quand même écouter la bande originale avec le morceau de John Bryan qui est L'Amour Ouf, le thème musical. Retour au spécial Cinéphage bilan 2024, sortie 2025, toujours avec Marlène, Lilian, Vincent et votre serviteur. Eh bien, je vais vous proposer parmi les films à découvrir cette année, le Mickey 17. Alors, Mickey 17 est un individu envoyé coloniser une planète gelée, et à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps, et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey 7 commence à comprendre le but réel de sa mission. Ensuite, il y a Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Tony Collette et Steven Yeun, qui joue dans The Walking Dead, le fameux Glenn, qui se fait tabasser furieusement par Negan avec la batte de baseball, pour les fans. Donc, qu'on a pu voir aussi dans quelques films, c'est un acteur qui commence à être vu dans pas mal de films. Ensuite, bien, le nouveau Jurassic World Renaissance, rien à voir avec, on va peut-être voir Macron, je sais pas. Nouvel opus de la franchise Jurassic World, dirigé par Gareth Edwards, et on retrouve Scarlett Johansson dans un des rôles principaux. Ensuite, normalement, si les studios et tout se passe bien, on a Avatar Fire and Ash, qui sera le troisième volet de la saga Avatar de James Cameron. Et là, on va retrouver plus des antagonistes de la première, du premier Avatar, puisqu'il y aura Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana et Kate Winslet, qui devraient revenir dans ce film. Ensuite, Ballerina, John Wick présente Ballerina. Donc, une jeune femme qui est jouée par Ana de Armas, qui est élevée comme un assassin, se met en quête des meurtriers de sa famille, avec Norman Reedus, comme quoi Norman Reedus joue aussi dans The Walking Dead, hein. Keanu Reeves, Ian McShane et Angelica Houston. En fait, c'est un séquel, on pourrait dire, de John Wick. Donc, si vous aimez les scènes de chorégraphie avec beaucoup de bagarres, beaucoup de morts, eh bien, c'est le film qu'il vous faut. Ensuite, Michael, un biopic sur la légende de la musique Michael Jackson. Et c'est Jafar Jeremiah Jackson, le neveu et le fils de Jermaine Jackson, donc le frère de Michael Jackson, qui joue le rôle de son oncle à l'écran. Et puis, Natacha, donc depuis sa tendre enfance, Natacha, jouée par Camille Lou, est bien décidée à devenir hôtesse de l'air afin d'échapper aux diktats d'une époque où la femme se doit de rester à la maison. Lorsque son rêve est sur le point de se réaliser, enfin, elle se retrouve embarquée malgré elle dans une aventure incroyable à la poursuite des voleurs de la célèbre Mona Lisa. Et on retrouve donc aussi Natacha, donc Vincent de Dienne, Fabrice Lucchini, Didier Bourdon, Elsa Zilberstein, Isabelle Adjani, entre autres. Et c'est l'adaptation d'une BD. C'est ce que j'allais dire, voilà. Ça me disait un truc, oui. Voilà. BD. Eh bien, à vous de jouer. Quel film vous titille un petit peu? Alors, la classique, je pense que tout le monde ici va aller le voir, même s'il a l'air moins bien, je sais pas comment dire. C'est le Avatar, parce que c'est des films qui se voient au cinéma quand même, qui sont plus impressionnants à voir. Et sinon, Mickey 17, ça peut être pas mal. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça peut être pas mal. Et sinon, Michael, pourquoi pas. Mais je pense pas que j'irai le voir au cinéma, pour être honnête. Vincent ? Déjà, dans un premier temps, Mickey 17, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de voir la bande-annonce et ça a l'air bien barré, donc j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. Ça a vraiment bien piqué ma curiosité. Je replace mon micro. Ensuite, Ballerina. Pourquoi pas, c'est à découvrir, parce que la saga John Wick, c'est une saga que j'aime énormément. Ana de Armas, je suis un peu plus réticent. Mais à voir ce que ça peut donner. Autrement, je suis mi-figue, mi-raisin concernant Avatar, effectivement, parce que je me tâte à aller le voir, mais si c'est comme le 2 pour me retrouver face au 1, compliqué. Donc voilà. Bravo. Moi, j'irai voir Avatar, carrément. C'est un bon moment, c'est beau. Je trouve que voilà, on décroche le temps d'un film, dans un autre univers, c'est plutôt chouette. Sinon Michael, ouais, Michael, pourquoi pas. Ok, moi Mickey 17 me tente bien, parce que le coup des sept vies du chat, quoi, c'est comme on dit, c'est un peu ce côté-là, puis voir, ah, oui, voir la mission qu'il a derrière, savoir qu'est-ce que, voilà, ça m'intrigue, tu vois, j'ai pas vu le trailer non plus, mais ça m'intrigue. Jurassic World, bon, je le regarderai à la télé. On donnera ça à notre ami Damien qui devrait être un de nos invités spécial, ouais, spécial dinosaure, donc je pense qu'on pourra en parler avec lui. Avatar, le seul point positif pour moi de cet Avatar, si je vais le voir, c'est qu'il y a à nouveau Sigourney Weaver, Sam Worthington, qu'on reparte un petit peu dans le numéro 1 qui me plaisait plus. Le deuxième, bon, ouais, c'était le Club Med des, voilà, j'ai trouvé ça un peu plus enfantin, toujours aussi beau, mais bon, l'histoire, l'intrigue, voilà. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus... J'avais bien aimé l'intrigue, justement, avec... Bon, c'était un western, hein. Avatar, c'était un western, version futuriste. Les gentils indigènes, les méchants cow-boys, les méchants... Voilà, on retrouve un western. Par contre, l'invention de l'univers, ça, là, la 3D est vraiment... Bah, c'est le film qu'il faut voir en 3D, et bon... Voilà. Ballerina, bah, moi, j'aime bien les John Wick. Alors, vraiment, pour se détendre, parce que... Là, on débranche le cerveau. C'est foutre, mais la chorégraphie est incroyable. Voilà, il y a autant de morts, j'ai jamais vu autant de morts à la minute. Voilà, bon là, mais vraiment, c'est le film où on est... Keanu Reeves en plus. Puis Keanu Reeves qui est excellent, toujours comme d'hab, un acteur qui est fabuleux, moi j'adore. Dans la vie, comme... C'est un mec fabuleux, a priori. C'est, voilà, dans la vie, comme dans... C'est le gars, il est simple, il prend le métro, il n'est pas sapé, on ne le voit pas en Armani ou faire le gland dans les cérémonies. Oui, il... sur les tournages, on le voit qui aide à porter le matériel des techos. Voilà. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. En cachette, il donne du fric aux gens sans que derrière... Vous avez vu, vous me reconnaissez, c'est moi qui a donné le billet. Voilà, non, c'est... Voilà. Et visiblement, les gens qui le connaissent dans le milieu ou en dehors, ils disent que c'est quelqu'un de bien. Et en plus, il a eu une vie très dure. Et malgré ça, c'est le gars qui reste zen, à part dans John Wick. C'est vraiment justement de voir un gars zen comme ça qui est à l'écran, qui est plutôt un tueur. Mais bon, c'est assez marrant. Ballerina, donc je disais, Michael, bon, j'ai jamais été un fan de Michael Clarkson. Donc... voilà, non, pour moi, voilà. C'est pas mon style de musique, c'est pas... Bon, le seul truc que j'aime bien, c'est Thriller, parce que, voilà, il y avait le clip d'horreur de John Landis, mais le reste, bon, c'est de la variétoche pour moi, ça me plaît pas trop, voilà. Natacha, par curiosité, voir s'ils ont fait de la BD. Voilà. C'était mes avis. Ensuite, eh bien, on va continuer par 6 nouveaux films. Un parfait inconnu. Donc là, ça se passe à New York au début des années 60, au cœur de l'effervescente scène musicale et culturelle de l'époque. Un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et son talent hors norme qui vont changer le cours de la musique américaine. Alors qu'il noue d'intimes relations durant son ascension vers la gloire, il finit par se sentir étouffé par le mouvement folk qu'il a lui-même créé et refuse d'être mis dans une case. Il va faire un choix controversé qui aura des répercussions à l'échelle mondiale. Et là, on va retrouver Timothée Chalamet qui incarne Bob Dylan et qui interprète ses chansons dans le film de James Mangold. Et on retrouve aussi Ella Fanning et Edward Norton au casting. Ensuite, on a Hope, un autre film coréen, les atermoiements des habitants du port de Hopo, alors qu'une mystérieuse découverte est faite à la périphérie de cette ville portuaire isolée. Pendant longtemps, ils se retrouveront coincés dans une lutte désespérée pour leur survie face à quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Et on retrouve... En plus d'un casting coréen, dont je me suis épargné la prononciation parce que c'est toujours très compliqué, mais on retrouve des acteurs occidentaux tels que Alicia Vikander et Michael Fassbender. Ensuite, Thunderbolts. Donc, c'est l'histoire de plusieurs criminels repris de justice qui sont regroupés pour former les Thunderbolts. Donc, un film plutôt de super-héros, super anti-héros, on pourrait dire, et ainsi effectuer des missions pour le gouvernement américain. Mais lors d'une mission, alors qui était en réalité une mission suicide, qui était de tuer un homme emprisonné, cette mission vont les faire se révéler contre leur patronne, qui est Valentina de Fontaine et le gouvernement américain. Et on retrouve donc Florent Puff, Sébastien Tan, Olga Kurylenko et Julia Louis-Dreyfus dans les rôles principaux. Ensuite, par Partenope, un film italien. Donc, c'est la vie de Partenope, de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Une épopée féminine dépourvue d'héroïsme et prise de liberté de la ville de Naples et d'amour. Les amours vrais, indicibles ou sans lendemain, qui vous condamnent à la douleur, mais qui vous font recommencer. Le parfait été à Capri d'une jeunesse insouciante, malgré un horizon sans issue autour de Partenope, donc les Napolitains, aimés, désillusionnés et pleins de vie, que l'on suit dans leurs dérives mélancoliques, leurs ironies tragiques et leurs moments de découragement. La vie peut être très longue, mémorable ou ordinaire. Le temps qui passe offre tous les répertoires de sentiments et au fond, un proche et lointain, cette ville devient indéfinissable. Naples qui ensorcelle, enchante, hurle, rit et peut nous faire très mal aussi. Donc, on retrouve l'excellent acteur Gary Oldman et puis Stefania Sandrelli, une actrice vieillissante qu'on a beaucoup vue dans les années 80-90, mais qui est une grande actrice italienne et puis un casting aussi italien. Ensuite, on a The Gorge de Scott Derrickson, l'histoire de deux personnes très dangereuses qui, malgré le monde corrompu et meurtrier dans lequel elle évolue, se découvrent être des âmes sœurs. On retrouve donc au casting Anna Taylor, Joy Miles Taylor et Sigourney Weaver. Et puis le dernier film que je vous propose, c'est The Electric State, dans une version rétro-futuriste des années 90, après un soulèvement de robots, une ado orpheline, jouée par Millie Bobby Brown, parcourt l'Ouest américain à la recherche de son jeune frère, accompagné d'un robot aux allures de personnage de dessin animé et d'un contrebandier flanqué de son acolyte avec, entre autres, Chris Pratt et Kiwi Kwan. C'est 2001 dans Indiana Jones et puis on l'a vu récemment revenir à l'écran. On l'a vu dans les Goonies aussi. Oui. Donc, à vous de choisir pour ce dernière petite série de 6 films. Alors moi pour ma part il y a Thunderbolts parce que encore une fois c'est un Marvel et que voilà. Alors après pour le coup il me fait beaucoup moins envie que beaucoup d'autres Marvel parce que là c'est un peu l'équipe des rebuts, donc avec le Soldat de l'Hiver, le Red Guardian, et donc c'est des gens qu'on a moins l'habitude de voir, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et sinon il y a Hope parce que il m'intrigue. Mais c'est surtout parce qu'on n'en dit pas beaucoup dans le teaser. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble la bande-annonce, mais en fait, on sûrement qu'on ne voit rien. Ouais, carrément. Mais du coup, pourquoi pas ? Ça peut être un... En plus, les films coréens, du peu de films coréens que j'ai vus, j'ai adoré. Donc pourquoi pas ? Et The Gorge aussi, mais du coup, je n'arrive pas trop à savoir si c'est plus une histoire de romantisme ou s'il y a de l'action. Enfin bref, voilà. Vincent ? Écoute, on ira le voir. Je prends le romantisme et toi, tu prends la... tu prends la... C'est quoi t'as dit ? Romantisme, ou de la... Comment t'as dit ? Science-fiction. L'action. Voilà. L'action-fiction. Moi, je prends le romantisme et toi, tu prends l'action. Allez. Non, on va faire pareil que pour les 6 premiers films que t'avais présentés. Hein. Si je devais obligatoirement aller en voir un, je dirais Hope. Vous pouvez pas sélectionner des trucs qui plaisent à Vincent. Non, Hope, ça a l'air curieux, pareil, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui est dit. Et on ne sait jamais, ça peut faire penser à du Lovecraft dans la mise en scène. Et effectivement, les films coréens, un peu de SF comme ça, ils sont relativement bons. SF horreur, The Host, Snowpiercer... Moi, ça fait penser à The Host. Un oui, peu. The Host, Snowpiercer ou Dernier Train pour Busan. Ça fait partie okay. Et même Parasite, hein, leur façon de voir les choses, c'est... Mais autrement, non, un parfait inconnu, déjà tu me présentes Timothée Chalamet, forcément ça va... C'est ce que j'allais dire, j'ai vu ça, ton repoussoir. Ouais. Et après, The Electric State, ça pourrait être sympa, mais pareil, entre Millie Bobby Brown et Chris Pratt, c'est des acteurs que j'en peux plus de les voir, donc forcément ça me donne pas envie. Mais ouais, non, là dans cette dernière liste, pas grand-chose. Marlène ? Ah ben moi, au contraire, j'irai voir Un parfait inconnu parce que Bob Dylan, quoi. Moi, j'aime bien les films musicaux. Biopic. Ça rêve, des choses comme ça que j'ai adoré. Moi, j'irai voir Un parfait inconnu. Ouais. Tu vas te faire une année musicale avec Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. C'est tout. Partenope, ça te branche pas ? Là, c'est plutôt romantique et compagnie. Ben non, là, ça me branche pas. Mais Hope, c'est vrai que ça, le synopsis de Hope que tu nous as cité tout à l'heure, c'est vrai que ça met en, ça attise la curiosité. Et toi alors ? Eh bien, bon, parfait inconnu, Bob Dylan, je regarderai des documentaires, je préfère. Puis Chalamet, c'est pareil. Bon, bon, le seul truc qui pourrait me tenter, c'est qu'il y a Edward Norton. Que je... bah, on parlait d'American History X, donc en général, ou Fight Club, donc c'est quelqu'un que voilà, que j'attends beaucoup plus, mais bon, ouais, moi je le. Non, je courrai pas, je le verrai, sûrement, mais rien de presse. Bob Dylan sera toujours là. Ensuite, Hope. Il n'est pas jeune, hein. Oui, mais bon, on aura le droit à la rétrospective quand il va mourir, donc on aura toute son histoire. Hope. Donc le film coréen, bah oui, toujours ce côté qui m'intrigue chez les Coréens. Que ce soit dans leur thriller, leur polar, voilà, c'est un cinéma qui, même le film historique, on a, ça me tente un petit peu de voir ce qu'ils en ont fait. Puis en plus de mettre pas que des Coréens, de mettre quelques Européens, donc on a toujours le côté mélange des deux cultures, ça peut être sympa. Thunderbolt, le seul truc qui, contrairement à toi, Lilian, c'est que le fait que ça soit pas les super-héros qu'on connaît. Voilà, moi, ça me plaît plus de voir que c'est un peu comme tu dis, les rebuts, les moins bons. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'original ? C'est ça. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'original ? Parce que ça, sans bagarre et sans effets spéciaux. Raté. Ça va être dur, parce que moi, j'aime bien un scénario aussi. Le synopsis qui est fait, ça fait penser à Suicide Squad. Oui, ça peut être... Donc, est-ce qu'on va voir un Suicide Squad bis avec d'autres acteurs ou vraiment un film original ? Mon partner Hope, même si j'aime Gary Oldman, Stefania Sandrelli, elle jouait bien. Mais bon, le truc un peu sirupeux, Naples, cliché, l'Italie, il manque plus que les gondoles de Venise et voilà, on y est. Donc voilà, bon, c'est pas trop mon truc. The Gorge, j'aimerais savoir ce quoi ça parle aussi. Ça a l'air d'être un peu intriguant, c'est pareil. The Electric State, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un film avec un robot, une fille, machin. Ça me rappelle, je me rappelle, je l'ai plus sous la langue et dans la tête. Mais ouais, c'est le sujet un peu post-apocalyptique. Ça me rappelle quelque chose, mais bon, peut-être pas au cinéma, mais pourquoi pas le redécouvrir. Eh bien, voici arrivé la fin de notre émission. Cette semaine, on fera pas de sortie cinéma, je pense, parce que là, on vous a annoncé plein de films. Donc, je vous engage par contre à aller retrouver les films actuellement à l'écran, leurs horaires, plus les événements qui sont dans ces cinémas. Faut pas oublier d'aller au cinéma, là, il va y avoir les fêtes bientôt. Ils ont besoin de vous, comme nous, on a besoin d'eux. Donc, n'hésitez pas à aller dans les cinémas, aller cliquer sur le logo de nos partenaires CGR Centre de Lyon et aller visiter leur site et puis les studios. Et bien, nous voici arrivés à la fin de ce bilan ciné 2024 et sortie 2025. Merci aux invités chroniqueurs d'aujourd'hui. Hein, merci à tous. Merci à toi pour l'invitation. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Merci Alain. Merci beaucoup. Cinéphage et Radioactive vous souhaite une prochaine année plein de bons films sur petit et grand écran. Bien sûr, vous pourrez aussi nous retrouver sur notre site Facebook Radioactive en streaming, mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération, et bonne année 2025 à tous les auditeurs et partenaires de cette émission.